Chapitre 146. La recommandation de s'informer de la santé du malade auprès de sa famille. 910. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, sorti de la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci souffrait de la maladie qui allait l'emporter. Les gens demandèrent alors, « Ô Abul Hassan, comment se porte le messager d'Allah ce matin, alayhi salatu wassalam ?»« Par la grâce d'Allah, il s'est rétabli, » répondit-il. Al-Bukhari.